Salut à toutes et toutes, la tribu. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 15e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On commencera cette soirée avec Prophecy des Brésiliens de Soulfly. C'est sur l'album Prophecy, paru en 2004. C'est le 4e album de Soulfly et Prophecy, c'est la chanson préférée de mon neveu de 7 ans. Bise à toi mon Liam. Et on continuera avec La Máquina del Fango de Talco, tiré de l'album Grand Gala, sorti en 2012. La Máquina del Fango, c'est une locution latine qui désigne le langage journalistique en général. Je passerai ensuite jusqu'à la fin de la nuit d'OTH. C'est sur l'album Réussite, le premier album d'OTH sorti en 1984. On poursuivra avec les Pixies et Another Two in the Ocean, tiré de l'album Indies Indies, paru en 2014. Sur cet album, on peut entendre What Got Boom, Indies Indies et Woman of War, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec les Clash et leur classique Tommy Gunn, en live à Paris en 1980. Dove sul rinchiuso in un recinto scuro che il tempo sta adombrando volgere la verità in disuso, un'antica soluzione ma ora che mi sta salvando. Fingolino cade giocola come c'è per salvare la palle, mentre qui allo spazio stiamo andando. Canterò di una gran nazione, chitarre ma le stelle, mi gioco la mano. mi credo un calunniato dall'informazione che tutti il giorno svolgo in casa. Ignari che il mio giorno ormai è disidratato, in moco cieca pubblica chiedo l'aiuto a casa. Fin giorno cade il gioco, la come c'è per salvare la palle, mentre qui allo spaccio stiamo andando. Canterò di una gran nazione, chitarre ma le stelle, mi gioco la macchina del fango, mi gioco la macchina del fango. Pour s'amuser ma peau, allez. Qu'est-ce qu'il est bon ce live des Clash. On poursuivra cette soirée avec Toxicity de System of a Down. C'est sur l'album Toxicity, sorti en 2001. On peut entendre Prison Song, le classique Chop Suey et Psycho notamment. Je diffuserai I Am What I Am, l'hymne à la vie de Peter Tosh. C'est sur l'album Equal Rights, sorti en 1977. On peut entendre sur cet album Stepping Razor, African et Apartheid notamment. On s'écoutera ensuite Achever les chevreuils de Les Crétins des Alpes. C'est sur l'album Yodé, sorti en 2014. Un monument cet album. Il y aura plein de bonnes choses, j'en diffuserai d'autres. Je passerai ensuite Here Comes the Major de Bad Manners. C'est sur Skin Bay, leur premier album sorti en 1980. Et on finira ce bloc en live avec Mass Hysteria et Knowledge is Power en live à Montréal en 1998. Leur nouvel album Matière Noire sort le 24 octobre. En exclusivité la semaine prochaine, je diffuserai Chien de la Casse, le premier single de ce super album très très attendu. entire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Learn to love, to love. city. I said I am, that I am, I am, I am, I am. I am, that I am, I am, I am, I am. I am, that I am, I am, I am, I am. I am a rock of ages, you cannot move I at all. I am the son of lightning, you cannot move. About them women and men, drinking whiskey and consuming gin. cherche pas, ne cherche pas. Le temps qui passe est notre professeur. Knowledge is power. Ne cherche pas, ne cherche pas. Le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe. Knowledge is power. Il ne faut éviter la pente vers une précarité. Éviter le côté critique d'une marginalité. Travailler de temps en temps, mais donner bonne conscience. Et la jeunesse, l'école et ses réminiscences. Cultiver son esprit, rester actif pour dissiper le brouillard du abus de spliff. Ne cherche pas, ne cherche pas. Le temps qui passe est notre professeur. Knowledge is power. Ne cherche pas, ne cherche pas. Le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe. Knowledge is power. Soif de savoir et de connaissance. Il est excellent ce live de Massisteria. J'ai encore envie de live. On commencera ce bloc avec Jailhouse Rocking d'Israel Vibration du Vibes Alive paru en 1992. Beaucoup de morceaux sont longs, je vais essayer de pas trop les raccourcir. Par exemple, le classique Racial Discrimination fait 5 minutes 15 et Living Jalo fait 6 minutes 52. Mais on ne s'en lasse pas. J'ai vu que vous avez bien aimé Bina, Damien. Alors ce soir, je diffuserai son titre « Le dormeur doit se réveiller ». Non, non, non, rien à voir avec le pays Jurgame. Vous savez, le groupe de dance des 90. Non, non, non, faut pas déconner. Pas de ça dans la Vapeafrix. J'adore ce morceau de Bina. On s'écoutera ensuite les Sales Majestés et le morceau « Les Patrons ». C'est sur l'album « Il n'y a pas d'amour » paru en 2000. On peut entendre « Mes frères »,« Sans d'honneur »,« Tout est bon pour faire du fric », entre autres. On poursuivra avec une exclusivité. « You ». Le premier single du dernier album de Darkoustics, Outzone, qui sortira pour Halloween. Le clip de You est déjà sur YouTube. Il donne le ton à cet album. Promis, je diffuserai d'autres morceaux de Outzone, c'est sûr. On a commencé ce bloc en live, alors on finira le bloc avec Hubert Félix TFN et Soleil Cherche Futur, tiré de l'Homo Plebis Ultimate Tour, sorti en 2011. Il est reparti en tournée avec son dernier album, le magnifique Stratégie de l'Inespoir, et ça devient le Vixi Tour. Je diffuserai les dates et les lieux de concert sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Going through, say Make a joyful noise unto the Most High Jah, all ye lands. Yeah.

riche et certaine terre. Mais qui manque encore les choses à découvrir. Mais les coups sont arrivés, faut les coller pas mal. Et voilà parti vers d'autres aventures. Père et sèche, les fleurs, la cabane et la folie. Et moi je reste assis, et pour mon assure, à filer les temps morts, à la mélancolie. Soleil, soleil. N'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé? Avec mon métier, maintenant un chihuahua ou bien dans un grand bébé de Singapour. Je serai déprimé avec ma gueule de bois, en rêvant de ta barbe, bien un coup d'amour. Et son petit logique de danser sur un prochain, qui vient d'avoir un rêve qui m'a l'air fatigué. Stomper ma pupille, derrière ton mégalo, c'est plus débile, mon que l'objet déchiré. Soleil, soleil. Par merveilleux, mais je sentis piégé. Adieu, Nascou, ma meuf, adieu, tu vivras. On se fait décider, on manque au pognon. Maintenant, le vent, j'en douce, dans les nirvanas. Et nous sommes isolés de nos récupérations. Les monstres d'un acquis projettent nos éléments. Mais dans les opéras, les rêves sont violents. Serions-nous condamnés à des sentiers trop lourds? Qu'est-ce qu'il est bon, cet homme au plébistour. On poursuivra cette Vampirafrix numéro 15 avec l'Ordre d'Héloïse et le morceau L'Enfermement. C'est sur l'album Le Chaos de l'Histoire, sorti cette année. On s'écoutera ensuite Les Shérifs avec Plus de Bombes, tiré de l'album 3-2-1-0, sorti en 1988. On peut entendre Joue avec le feu, Fanatique de télé, Pas de doute et plein d'autres. On s'écoutera ensuite State of Emergency de Steel Pulse en live, tiré du Rastafari Centennial en 1992. On retrouve tous les classiques de Steel Pulse, Gang Warfare, Stepping Razor, Stay with the Redeem, notamment. J'aime beaucoup cet album. On continuera cette Vampirafrix chaque semaine, même heure sur votre radio favorite, avec les Vilains Clowns et leur morceau Rock'n'Roll dans la salle de bain. C'est aussi le titre de leur album sorti en 2013. Ils bossent aussi sur un nouvel album, des nouvelles très vite, j'en diffuserai d'autres des Vilains Clowns. On peut entendre sur cet album J'ai pas envie, Des Inséparables, Salra et bien d'autres. Et oui, c'est Rock'n'Roll dans la salle de bain. On finira ce bloc avec Alborosi et Rock the Dancehall. C'est sur l'album Sound System, paru en 2013. On peut entendre Playful to Catch Wise et Zion Train en duo avec Kamani Marley, le fils de Bob, entre autres. Un magnifique, magnifique album. ce mystère et je m'éloigne mammifère. Que voyez-vous de vos vies, un enfer, un paradis? State of emergency. Satisfaction. His own funeral. Zion music rise again and still I hear the general. Tell the haters and the fakers it's a no reprisal. Reggae music from the world, it's way beyond survival. Reggae is a dragon, tall like Gulliver the giant. Tough like Tony Stark, iron friendly just like the Hawaiians. It's meditation science, it's a rhythm not appliance. One like Bounty and the Alliance as a Gullion Zion. Reggae music still around the dancehall. Rubber dub music still a rapping dancehall. Reggae music still a rapping dancehall. Rubber dub music still a rapping dancehall. Reggae words are political, pure brain nutritional. Style straight original, the flow non-traditional. The conditions are clinical, Bush doctor said it's lyrical. The symptoms are not typical, it's analog and digital. It's not complicated, the fans appreciate it. Them sing along with passion and them love the rock steady. The boys and the ladies are jump up like crazy. As reggae dip on stage, them amazed by the trading. Reggae music still around the dancehall. Rubber dub music still a rapping dancehall. Reggae music still a rapping dancehall. Rubber dub music still a rapping dancehall. Il est génial ce sound system d'Alborosi. On commencera ce bloc avec Dive en live. C'est extrait du DVD Live Tonight Sold Out, sorti en 1993. On continuera cette belle soirée avec les Sex Pistols et le titre Submission. C'est sur Nevermind the Bollocks en 1977. Le seul et unique album des Sex Pistols avec Sid Vicious à la basse. Je diffuserai ensuite Toots and the Metals et Take a Trip. C'est sur l'album True Love, sorti en 2004. Beaucoup de featuring sur ce disque. Pressure Drop avec Eric Clapton, Monkey Man avec No Doubt et Take a Trip, c'est un featuring avec Bonnie Wailer. J'ai envie d'un Ludwig von 88. Je diffuserai William Cramps, le tueur de boucher. C'est sur le cultissime et désormais introuvable Oulala 2, La Mission, paru en 1987. On a commencé ce bloc en live et on le finira en live avec Ziggy Marley et Wide and Free en live à Roxy Théâtre en 2013.

Dieu, ça me détonne. Seriez-vous Alfonso, le roi des filets de peau, ou bien comme c'est ici, comment serait ma vie? Roy, Roy. Oui, après je surgis, je t'écorche à le courir. Et donc vous êtes bienvenu, j'ai Raoul le parvenu. Oui, après je vais te rappeler, tu n'es qu'à s'accoucher. Brouille, brouille. I see him, he's forever growing wild and Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce Ziggy Marley aussi. Cette 15e Vapeur Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. A bientôt pour une prochaine Vapeur Freaks, l'émission en radio où Spike débarque dans votre salon. On va en finir avec une pensée philosophique. Il ne faut jamais fuir la vérité, même si celle-ci blesse. Je vous laisse donc avec Don Choa et son titre La vérité blesse. C'est sur l'album Vapeur Toxique, paru en 2003. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Salut à toutes et toutes, la tribu! Attention, attention, ceci n'est pas une leçon de morale. Je parle comme je me parle à moi-même. Vous voulez savoir ce que j'ai à dire aux gosses, hein? Écoutez vos parents avant de m'écouter à moi. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a que le fric qui compte? Moi non, et pas que depuis que j'ai des patates sur le compte. Tout ce qui monte, toi redescendre, ne t'enflamme pas ou on t'inonde. Un plein d'essence et puis fire, c'est un petit monde. On passe du dessus au dessous, dans mon périmètre y a pas que des déçus ou des fous. On a tous une âme et une vie, aussi sûr qu'un coup de queue peut niquer plus d'une vie. Tous un destin en commun mais chacun son avis. Fais-toi une idée de chacun ou répète ce qu'on t'a dit. Appelle ça adultère ou polygamie. Appelle ça abus d'herbe ou toxicomanie. Les gens croient ce qu'ils voient ou ce qu'on leur a appris. Espèce d'enfoiré, tu peux me dire ce qu'on t'a dit? La vérité blesse, l'atmosphère est tendue. Gaffe à ce que tu sèmes, tu le récoltes au sensu. Franchement, tu y es presque, on a trop attendu. Ça se passe dans la tête, mais tu peux l'avoir la dans. La vérité blesse, l'atmosphère est tendue. Gaffe à ce que tu sèmes, tu le récoltes au sensu. Franchement, tu y es presque, on a trop attendu. Ça se passe dans la tête, mais tu peux l'avoir dans. Est-ce que je suis parfait? Est-ce qu'il y a rien que je regrette? Est-ce que le mal que j'ai fait n'est pas retombé sur ma tête? Je ne suis pas un exemple, faut toujours que je répète. Maintenant que j'ai tellement une chance, je comprends que tu me détestes. Je sais pas comment tu penses, mais je vais pas m'en faire. Si tu m'en veux pas, ce que je fais, ce que tu voudrais faire. On se prend la tête pour rien, putain. Tout le temps qu'on perd, tu veux qu'on t'aide, mais tu fais rien. Hey, je suis pas ton père, je peux pas vivre à la place d'un autre, même si c'est mon frère. Je veux pas non plus les places des autres, même si elles sont chères. Je suis con ou cramé ou juste un incendiaire. Je suis bon ou mauvais ou juste à la frontière. Des bons ou crevés, nomades ou sédentaires. T'as besoin d'un rail dans le nez ou juste de soins dentaires. La vérité blesse, l'atmosphère est tendue. Gaffe à ce que tu sèmes, tu le récoltes au sein tu. Franchement, tu y es presque, on a trop attendu. Ça se passe dans la tête, mais tu peux l'avoir dans. C'est dur de faire et facile de parler. Tu me décris le paradis comme si tu venais d'y aller. Avec tout ce qu'on voit, on veut tout consommer. Et ceux qui veulent le pouvoir, c'est qu'ils veulent tout contrôler. Et qu'on vive dans la peur et qu'on vive séparé. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on ne peut pas réparer? C'est comme quand ta voiture veut pas démarrer. Y'a ceux qui te poussent et ceux qui restent à se marrer. Appel à la rescousse, où sont ceux qui parlent? En quelques secousses, leur morale disparaît. Chacun donne le nom qu'il veut à la même réalité. Dis-moi, est-ce qu'on vit tous dans la même égalité? T'as peut-être entendu qu'on lui avait dit qu'à ce qui paraît. T'es peut-être sûr à 100%, mais ça reste à parier. La vérité blesse, l'atmosphère est tendue. Gaffe à ce que tu sèmes, tu le récoltes au sensu. Franchement, tu y es presque, on a trop attendu. Ça se passe dans la tête, mais tu peux l'avoir dans. Ne triture pas le cerveau jusqu'à perdre le sourire. Viens au monde en criant, repars dans un soupir. Rien n'est définitif à part naître et mourir. En 3 minutes et quelques, qu'est-ce qu'on a le temps de tout dire? La vérité blesse, l'atmosphère est tendue. Gaffe à ce que tu sèmes, tu le récoltes au sensu. Franchement, tu y es presque, on a trop attendu. Ça se passe dans la tête, mais tu peux l'avoir. La vérité blesse, l'atmosphère est tendue. J'ai gaffe à ce que tu sèmes, tu le récoltes au sens du. Ressorti est presque, on a trop attendu. Ça passe dans la tête, mais tu peux l'avoir dans. Tu me dis je sais, faut agir maintenant. Les je vais, ça niquait beaucoup de gens. Faut se lever, la volonté, beaucoup de chance. Si tu es sur le coup, tente le tout pour le tout.